Oui, alors de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. De très nombreuses personnes pensent que fumer fait maigrir et fument délibérément de peur de prendre du poids. D'autres n'osent pas arrêter, redoutant une forte prise de poids après l'arrêt. Alors qu'en est-il en réalité? J'ai à mes côtés Geneviève Ouellet-Saint-Hilaire qui va nous parler aujourd'hui du tabagisme et de poids. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors Geneviève, tu es une nouvelle voix qu'on entendra régulièrement à Futur Simple. Alors j'aimerais prendre quelques secondes pour te présenter. Alors si je comprends bien, tu es étudiante à la maîtrise en nutrition à l'INAF à l'Université Laval. Oui, c'est bien ça. En fait, j'ai terminé mon bac en décembre 2013 et depuis ce temps, j'étudie sous la direction de Véronique Provencher. Donc mes intérêts de recherche se situent plus au niveau de l'aspect comportemental du domaine de la nutrition. Donc je m'intéresse plus particulièrement aux facteurs qui sont plus psychologiques et comportementaux en lien avec la régulation de la prise alimentaire et du poids corporel. Donc, pendant ma maîtrise, je porterai une attention un petit peu plus particulière sur l'association qui pourrait exister entre la récompense alimentaire et le poids corporel auprès de femmes. Très intéressant comme sujet. Alors, si on revenait à notre chronique. Oui, alors, pour ma toute première chronique, j'ai décidé de vous parler plus spécifiquement du gain de poids qui est généralement associé à l'arrêt tabagique. Donc, l'idée de ces chroniques-là, elle est venue à la suite de plusieurs questions que mon entourage m'ont posées ces derniers temps. Et j'avais vraiment tout simplement envie d'approfondir le sujet avec vous ce soir. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'arrêter de fumer, c'est avant tout un choix personnel à faire et qui peut s'avérer quand même difficile pour certaines personnes, d'entre nous. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui rend ce choix si difficile à faire? Bien évidemment, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Et un de ces éléments-là, c'est la peur de gagner du poids. Donc, je crois que c'est un point qui est d'autant plus important à discuter lorsqu'on sait que la peur de prendre du poids est la principale raison chez les femmes à échouer dans leur tentative de perte de poids. Donc, c'est vraiment pas rien. Alors, je comprends que la peur de prendre du poids est bien réelle, mais est-ce qu'une personne qui cesse de fumer va forcément perdre du poids? Non. Heureusement. La prise de poids n'est pas systématique au moment de l'arrêt tabagique. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute personne qui entreprend une démarche pour arrêter de fumer ne prendra pas nécessairement de poids. Donc, de façon générale, la majorité des personnes qui arrêtent de fumer prendront moins de 4,5 kilos, soit environ 10 livres. Donc, il est bien connu que cette prise de poids-là est plus importante chez la femme que chez l'homme. Et certaines personnes seraient plus à risque d'en prendre. Donc, c'est notamment le cas des Afro-Américains, des gens qui ont moins de 55 ans, ceux qui fument plus d'un paquet par jour et ceux qui ont un statut socio-économique plus faible. Donc, bonne nouvelle, écraser ne rime pas forcément avec engraisser. Alors, qu'est-ce qui explique alors qu'une personne qui peut prendre du poids au moment de l'arrêt tabagique, qu'est-ce qui explique ça? Donc, tout d'abord, je crois qu'il est important de nuancer un certain point avant de poursuivre. Il faut bien comprendre que c'est la nicotine qui est présente dans la cigarette qui est responsable des effets du tabagisme sur le poids. Donc, une fois qu'on connaît bien les caractéristiques de la nicotine, il est plus facile, selon moi, de comprendre comment le corps humain réagit une fois qu'on l'enlève de son système. Donc, la nicotine peut affecter le poids de trois principales façons. La première façon, c'est que la nicotine a pour effet d'augmenter légèrement le métabolisme de base. Donc, qu'est-ce que le métabolisme de base? C'est un grand mot. Eh bien, c'est simple. C'est simplement la quantité d'énergie que le corps veut utiliser au repos. Donc, cette augmentation-là peut se traduire de l'ordre de 4 à 16 % environ. C'est quand même pas mal, oui, effectivement. Et le corps dépensera donc un petit peu plus d'énergie par jour sous l'effet stimulateur de la nicotine. Donc, une fois que la personne cesse de fumer, ça provoque finalement un retour à la normale du métabolisme de base. Donc, près de 40 % du gain de poids suite à l'arrêt tabagique pourrait s'expliquer par cette légère baisse du métabolisme de base. Alors, si une personne consomme la même quantité d'énergie que lorsqu'elle fumait, évidemment, elle prendra du poids. Alors, la deuxième façon, c'est que la nicotine aussi elle a un effet d'augmenter l'oxydation des gras. Donc, c'est-à-dire que le corps sera plus efficace à convertir les gras dans les aliments en énergie que le corps va pouvoir utiliser par la suite. Donc, si le corps utilise davantage les gras comme source d'énergie, forcément, il y aura moins tendance à les emmagasiner. Donc, la personne est moins susceptible de prendre du poids dans ce contexte-là. Alors, cesser de fumer provoque alors l'effet inverse, c'est bien ça? Oui, effectivement. Le corps, lorsque la personne cesse de fumer, le corps est moins efficace à convertir ses gras en énergie. Donc, le stockage des gras est vraiment privilégié, donc ce qui peut favoriser, là, une fois de plus, malheureusement, le gain de poids. Et la troisième et dernière façon pour laquelle la nicotine peut affecter le poids, c'est qu'elle a un effet de diminuer l'apport énergétique. Et quels sont les processus qui peuvent expliquer qu'une personne qui fume consomme moins d'énergie? Alors essentiellement, je les ai résumés en trois points. Tout d'abord, la nicotine influence les signaux de faim et de satiété en diminuant l'appétit. Donc, dans le fond, la nicotine, là, elle joue en quelque sorte un rôle de coupe-faim. OK, OK. Donc, il est facile de s'imaginer, lorsque la personne cesse de fumer, l'effet coupe-faim, lui, il disparaît. Donc, la personne est vraiment plus susceptible de manger là, à ce moment-là. Ah, c'est ça. De plus, il est bien connu que la cigarette atténue de façon significative le sens du goût et de l'odorat qui sont liés aux aliments. Donc, en cessant de fumer, les papilles gustatives et olfactives retrouvent petit à petit là, leur capacité. Et cette redécouverte du goût et de l'odorat, ben, ça peut favoriser là, la consommation d'aliments par une augmentation de l'appétit. Et finalement, la troisième raison qui explique pourquoi une personne qui fume peut consommer moins d'énergie, c'est celle qui est liée à l'acte de porter à la bouche une cigarette plutôt que des aliments. Donc, lorsque la personne cesse de fumer, même si la personne ne porte plus la cigarette à la bouche, il semble que cette habitude-là perdure dans le temps. Ouais. Donc, inconsciemment, la personne va tenter d'occuper ses mains et sa bouche autrement. Et donc, l'envie de fumer là, va se transformer finalement en une envie de nourriture. Mm-hmm. Et c'est comme si finalement la personne avait tendance à manger beaucoup plus pour compenser ce geste. Donc, finalement, la personne va trouver dans la nourriture ce que la cigarette ne lui procure plus, finalement. Quelles sont alors les solutions envisageables pour contrebalancer les effets pervers du tabagisme? Oui, à mon avis, rapidement, il existe deux principales pistes de solutions pour limiter ou éviter le gain de poids. Donc, selon moi, c'est bouger plus et manger mieux. Donc, bien évidemment, il existe une panoplie d'autres solutions, mais j'avais envie de parler de ces deux-là. Oui, alors si on commençait par bouger plus? Oui, effectivement. Alors, bouger, c'est un moyen, entre autres, comme tout le monde le sait, pour gérer son stress et se détendre. Et surtout, on n'a surtout pas besoin de courir le marathon pour avoir ces effets-là. C'est un fait, ça. Oui, donc, dans la mesure du possible, et toujours en respectant les recommandations de son médecin, une personne peut, par exemple, faire ses courses à pied, rapporter le film, louer à vélo, marcher à l'heure du dîner ou après le souper, etc. Il y a plusieurs autres exemples. Alors, toutes les raisons sont bonnes, selon moi, pour bouger davantage. Et comme deuxième solution, tu parlais plutôt que de manger mieux. J'étais étonné que tu ne dises pas manger moins. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, effectivement. Tu as bien entendu. J'ai bien aimé dire manger mieux et non manger moins. Ça peut paraître surprenant. En fait, manger mieux, c'est avant tout une question d'alimentation variée et équilibrée. Et c'est également une question de posséder une certaine connaissance de quelques petits principes de base et brièvement, là, je vais vous en donner quelques-uns. Oui, s'il vous plaît, Alors, un de ces principes, c'est de manger en respectant ses signaux de faim et de satiété. Donc, le corps est une merveilleuse machine et il connaît parfaitement ses besoins. Donc, simplement, il suffit de l'écouter, mais c'est pas toujours évident dans l'environnement dans lequel on vit. Un autre principe, c'est de prendre son temps pour manger. Donc, il faut environ 20 minutes à notre cerveau pour nous dire qu'on a assez mangé. Alors, si on en mange lentement, on est plus susceptible de consommer la quantité de nourriture que le corps a réellement besoin. Et finalement, un des derniers principes que je peux vous faire part ce soir, alors, c'est de favoriser des repas qui sont riches en protéines et en fibres pour leurs effets rassasiants. En fait, ce que je veux dire, c'est que les protéines et les fibres, c'est deux nutriments qui sont présents naturellement dans les aliments. Et donc, une personne qui va en consommer davantage aura une envie de manger d'autres aliments moins rapidement là, dans la journée, d'où l'effet rassasiant. Effectivement. Espérons que tes explications et tes bons conseils inciteront plusieurs personnes à cesser de fumer tout en étant convaincues qu'elles ne prendront pas de poids. Oui. Alors, merci beaucoup, Geneviève Wallet-Saint-Hilaire. Merci. Alors, on va passer au mot de la fin.